libre. Bouffée de réel avec le monde grand centre. Personnes, et c'est le cas, travaillent tous les jours dans les deux tours du World Trade Center, ou en tout cas travailler dans les deux tours du World Trade Center à New York. Mais on sait que plus de 100 personnes, la personne qui était interrogée il y a un instant par le pense a vraiment bien fait le résumé de ce que représente le névralgique de New York. C'est une grande station de métro énorme, une grande gare de ferroviaire, des trains d'anglais, des trains internationaux. C'est un endroit particulièrement. Thank you.